much too complex. Too complex, much too complex. Bonjour Isabelle, merci d'accepter de discuter avec nous pour ce balado du cours de mécanique des matériaux composites. Pour commencer, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous parler un petit peu de ta carrière d'ingénieur, tes études, ton cursus qui a mené vers l'ingénierie, puis on va arriver au composite par la suite. D'accord, ça me fait très plaisir de vous parler. Donc j'ai commencé mes études d'ingénieur à Polytechnique de Montréal en génie mécanique. J'ai fait partie du projet avion cargo à l'époque. C'est comme ça que j'ai découvert les composites. Et après, je suis allée faire mon doctorat à UBC à Vancouver dans la délamination des composites et un postdoctorat à NASA Langley en Virginie aussi sur la délamination des composites. Avant de revenir à Montréal où j'ai fait un peu de consultation avant de joindre Bombardier Aerospace en 2007. Et depuis, je travaille comme ingénieur en structure pour les composites. Très bien, mais si on peut revenir un petit peu sur tes études, parce qu'il y avait des composites là-dedans aussi. Donc, tu as fait ton baccalauréat et ta maîtrise, je suppose, à la Polytechnique, c'est ça ? Mon baccalauréat à Polytechnique. Ensuite, je suis passé directement au doctorat à UBC. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça, c'est possible de le faire au Québec, le passage bac-doctorat, et c'est quand même quelque chose d'assez unique. Oui, j'avais commencé une maîtrise à UBC. Après un an, j'ai pu transférer au doctorat. Parce que mon projet était assez long et ça se prêtait à faire un doctorat. Quand tu es allé à UBC, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus ce que tu as fait autour de la délamination des composites et puis ce que c'est que la délamination aussi pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec. Donc, les composites utilisés traditionnellement en aéronautique sont très forts dans les directions des fibres, mais ils ont une faiblesse, c'est dans la direction perpendiculaire aux fibres, entre les plis de composites. Donc, cette mode de rupture qui a été très étudiée au fil des années. Et à l'époque, j'avais développé une méthode de test à l'intérieur d'un microscope électronique à balayage, donc pour aller mesurer les déplacements en bout de fissure d'une délamination dans un échantillon qui rentrait à l'intérieur d'un microscope et qui était chargé. Et il y avait une acquisition de données et d'images en même temps. Et c'était pour vérifier si la mécanique de la rupture élastique linéaire s'appliquait bien dans les composites. Donc la mécanique de la rupture élastique linéaire, c'est ce qui est aujourd'hui traditionnellement utilisé pour modéliser et faire de la prédiction même de l'endommagement dans les métaux. C'est une méthode qui permet principalement de modéliser une fissure qui grandit dans un espace assez vide. Pour les composites, les hypothèses ne sont pas les mêmes que pour les métaux. On a des matériaux hétérogènes qui sont pleins d'interfaces. Donc ton doctorat avait pour but de vérifier que malgré les différences entre les deux matériaux, on pouvait quand même appliquer la théorie de la IFM, que j'ai du mal à dire en français, mais la théorie de la fracture mécanique élastique linéaire au composite. Et pour faire ça, tu as fait en sorte de mettre tout le composite dans un microscope électronique à balayage et d'observer pendant que tu appliques de la charge, je suppose, en plus. C'est ça. Et donc c'était un échantillon de taille normale qu'on appelle le double cantilever beam DCB, oui. Mais il fallait pouvoir mettre tout le montage de chargement et de mesures de déplacement et de charge à l'intérieur du microscope. Donc c'était un beau défi et ça a été très intéressant. Pendant que je faisais mon doctorat, il y a un chercheur à la NASA qui nous a rendu visite et qui a été intéressé. Donc, il m'a proposé d'aller faire un stage dans son équipe à NASA Langley, ce qui était une opportunité vraiment extraordinaire pour moi. Et j'ai passé 3 ans et demi là-bas. Donc toi, tu as eu la chance de travailler avec plusieurs grosses industries dans les composites. Et sur quoi est-ce que tu as travaillé exactement comme problématique liée aux composites ? Donc, c'était pour des industries hélicoptères qui étudiaient la délamination entre les stringers et les skins, donc entre les peaux et les raidisseurs. Moi, j'ai d'abord fait surtout du travail expérimental, donc de tester différents coupons qui étaient représentatifs des stringers avec l'utilisation de différents matériaux pour chacun des composantes. Et ensuite, j'ai fait aussi un peu de modélisation avec la méthode CCT. Donc, essayer de corréler la méthode avec les résultats expérimentaux. La méthode VCCT, quelques mots? Virtual Crack Closure Technique. Donc, c'est pour mesurer le taux de relâchement d'énergie. J'ai traduit en français en même temps. C'est bon, ça marche. le Strain Energy Release Rate. qui est un paramètre qu'on compare ensuite à une propriété du matériau qui nous permet de déterminer si la fissure va propager ou non. Et est-ce qu'on parle d'une méthode, quand tu parles de fissure ici, je veux juste clarifier, parce que la méthode de la VCCT, c'est plus appliqué, il me semble, pour la délamination entre les plis, n'est-ce pas? C'est de ça qu'on... Oui, parce que c'est une fissure qui va se propager dans une direction connue, parce qu'elle va rester entre les plis de composite en général. Donc, elle est quand même assez bien définie par rapport à d'autres méthodes, d'autres endommagements du composite où les fibres vont rompre et le dommage est beaucoup plus difficile à prédire dans quelle direction il va aller. Donc, les délaminations, c'est un problème qu'on peut vraiment bien analyser maintenant et qu'il y a des méthodes qui sont bien établies pour pouvoir prédire la propagation parce que la fissure est contrainte entre les plis. En fait, quand on a notre composite, on a des plis qui sont des zones riches en fibres qu'on empile les unes sur les autres. Et puis, entre les plis, on va avoir des zones qui vont être plus riches en résine. Et quand tu dis qu'elle va être contrainte, en fait, c'est parce qu'elle va se retrouver coincée dans la zone qui est riche en résine entre nos deux plis, entre nos deux zones qui sont riches en fibres. Oui. Elle peut quand même passer d'un pli à l'autre. Il peut y avoir des fissures dans la résine et ensuite, elle va continuer dans une autre interface entre deux plis. Mais en général, on peut au moins pour le début de la propagation, on peut l'étudier assez bien. Et en aéronautique, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas propager la fissure. Donc, on veut juste justement étudier le début du processus parce qu'on n'essaie pas vraiment de prédire comment ça va se propager parce que c'est un peu encore trop complexe. Mais juste ce qu'on veut, c'est éviter qu'elle se propage. C'est ça notre but. Et alors, si on parle un peu des composites, juste pour mettre le contexte par rapport à l'endommagement, c'est des matériaux qui sont hétérogènes, c'est des matériaux qui sont riches en interface. Donc, comme tu le dis un petit peu, est-ce qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait des fissures dedans dans tous les cas? On s'attend après la fabrication? En aéronautique, on doit supposer qu'il y a des dommages. Ils peuvent être très petits et très difficiles à mesurer par des méthodes ultrasoniques ou autres, mais ils sont quand même présents, donc il faut en tenir compte. Et donc le but, c'est dans le travail de modélisation par exemple, c'est de supposer qu'il y a des dommages, des fissures présentes, mais que les chargements auxquels la pièce va être soumise ne vont pas les propager. Parce que s'ils les Exactement. Propagent... Alors après ton post-doctorat à la NASA, qu'est-ce que tu as fait? Alors après, je suis revenue à Montréal. Dans tout ce processus, j'ai eu 3 enfants aussi, donc ça occupe aussi. Oui. Mais c'est possible, c'est pour montrer que c'est possible de concilier famille et travail. Mm-hmm. Et après, en 2007, donc j'ai eu un poste à Bombardier. D'abord pour travailler en recherche, sur des projets de recherche, puis ensuite sur le développement de nouveaux avions, comme le Lear 85 ou le Global 7500. Et toujours du point de vue des composites, n'est-ce pas? Toujours du point de vue des composites, parce qu'il y avait des pièces primaires assez importantes, qui soient des ailes, fuselages ou surfaces de contrôle, empennage, qui sont en composite et qu'il faut certifier avec les autorités. Donc, il faut faire des tests, des analyses pour montrer que ces pièces vont répondre à la réglementation. Et quand tu dis primaire, pour ceux qui nous écoutent, c'est ce qu'on a évoqué la dernière fois lorsqu'on a parlé de pièces structurelles. C'est-à-dire que ce sont des pièces critiques pour le vol de l'avion et que si se produit quelque chose, l'impact va être catastrophique. C'est ça, exactement. C'est que ce sont des pièces que s'il y a une rupture de cette pièce, il y a une conséquence catastrophique pour l'avion. Tandis que des pièces secondaires, l'avion peut continuer à voler de façon sécuritaire, même s'il y a une rupture de ces pièces. Ça peut être des fairings ou même une porte de train d'atterrissage ou ce genre de pièces. Et donc toi, quand tu as commencé avec Bombardier utilisait déjà des composites pour des pièces structurelles. Ça démontre un peu l'intérêt, la capacité des composites, c'est bien. Alors quand tu as démarré, quelles étaient les plus grosses problématiques auxquelles tu as fait face au niveau des composites dans l'aéronautique chez Bombardier? Oh mon Dieu, Yana. Il y en a beaucoup. Oh, je m'attendais. Mais c'est que j'ai dû apprendre beaucoup en même temps que je démarrais à Bombardier. J'arrivais d'un milieu académique et il a fallu que je comprenne dans la pratique en aéronautique comment les choses se font. On n'a pas toujours le temps, les moyens de faire des analyses aussi poussées qu'on le ferait quand on fait un doctorat. Donc il faut des fois prendre des hypothèses pour réduire un peu le problème à quelque chose qui est plus simple à analyser. Et on fait ça souvent en ayant des contraintes sur le design. On peut pas analyser toutes les possibilités de design. On se met certaines restrictions et donc il faut apprendre un peu tout ça et ça m'a pris un peu de temps. Apprendre aussi comment on fait un test building block, pyramide de test, en partant des petits échantillons coupons jusqu'à l'avion au complet pour valider les analyses. Donc ça m'a pris quand même un certain temps à apprendre toutes ces façons de procéder. Là, tu as parlé de le building block approach, l'approche de test pyramidal, je pense en français si je traduis bien, mais le BBA. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est grâce à ça que les avions volent aujourd'hui. C'est la méthode de validation et même c'est la méthodologie qui permet aux avions de voler. Et donc tu as parlé rapidement, ça va des coupons jusqu'à l'avion entier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que ça veut dire ça? Oui, donc au bas de la pyramide, on fait des tests de coupons pour mesurer les propriétés des matériaux essentiellement. Aussi, dans le cas des composites, leur capacité à résister à l'environnement ou aussi leur variabilité statistique. Quand on fabrique pas toujours exactement la même chose, donc il faut tenir compte de ça aussi. Donc ça, c'est mesuré au bas de la pyramide sur des échantillons assez petits et qui coûtent pas très cher, mais on doit en faire une très grande variété pour couvrir tout l'espace de design de l'avion, les différentes épaisseurs, laminés, les joints, enfin, et beaucoup, beaucoup de coupons. On peut parler de plusieurs milliers de coupons facilement à ce niveau-là. Juste pour préciser, les coupons, c'est des petits spécimens rectangulaires souvent. Parfois, ils ont des formes différentes. Mais... De quelques centimètres, disons. Et c'est ça, on en a plusieurs milliers. Ensuite, un peu plus haut niveau, on va étudier des détails comme un joint qui va être représentatif du joint tel qu'il est dans l'avion. Donc, ce sont des échantillons, on parlerait plutôt, c'est plus des tests d'assemblage presque quand on arrive à ce niveau-là. Puis ensuite, on vérifie nos méthodes d'analyse et des fois aussi, on les raffine ou on ajuste les propriétés à ce niveau-là. Et finalement, au niveau de l'avion au complet, c'est là qu'on peut vraiment tester les modes de chargement représentatifs de ce que l'avion va voir en réalité et les combinaisons de chargement aussi qui arrivent sur une pièce en vol. Donc, mais aussi, bon, on regarde ça du bas vers le haut, la pyramide. Mais il faut aussi regarder, quand on regarde un programme de test, on regarde aussi du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'on regarde notre pièce au complet et on essaie de comprendre ce qui ne peut pas être testé au plus haut niveau. Et à ce moment-là, on définit des tests de niveau de complexité moins grande. Et donc, on va du haut vers le bas aussi. Il faut le voir dans les deux sens, cette pyramide. Très bien, donc c'est quand même, ça a l'air conséquent. On parle de milliers de petits coupons, puis ensuite de milliers de composants assemblés, puis des éléments, puis ça prend. Oui, niveau composante, je dirais centaines. Centaines plutôt. Et puis quand on arrive full scale, c'est plus, ça se compte sur les doigts d'une main. Oui. Alors ça prend combien de temps de faire tout ça, parce que c'est quand même pour un avion, par exemple, de faire toute la pyramide de tests. Oui, ça prend plusieurs années. Plusieurs années. Au moins 5 ans en général pour un programme. Souvent, ça va un peu plus si on déborde des échéanciers. Ça coûte beaucoup d'argent aussi, tout ça. Beaucoup d'argent, oui. Énormément d'argent. C'est sûr. Donc, vous utilisez cette méthodologie d'ingénierie pour vous assurer que ce que vous faites va fonctionner à chaque étape de la pyramide. Mais à la fin, qui c'est qui vérifie que ça marche vraiment, que l'avion peut voler en sécurité, tout ça? Comment est-ce qu'elle a... Donc, il y a les analyses qui sont faites par les ingénieurs, les tests, et il y a un organisme qui s'occupe de la navigabilité, la airworthiness en bon anglais. Et donc, il y a des représentants de Transport Canada dans les compagnies qui font la revue de tous ces rapports et de tous ces tests et qui présentent à Transport Canada leurs recommandations. Transport Canada va reviewer certains documents. Ils peuvent pas tout en traînant tous les détails, mais ils vont essayer de vérifier dans la, toutes les choses importantes qui pourraient affecter la sécurité de l'avion. Et voilà, c'est un processus qui est très rigoureux, où on fait beaucoup, beaucoup de vérifications avant de conclure. Donc pour les composites, on sait qu'il y a beaucoup de variabilité au niveau de la fabrication. Est-ce que tu pourrais nous parler des difficultés peut-être que vous avez rencontrées ou que tu as rencontrées chez Bombardier au niveau de la fabrication des composites? Oui, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait en place un système de qualité qui vérifie que ce qui est mis au dessin soit bien ce qui va sur l'avion. Ça, c'est très, très fondamental, qui est tout un système et aussi des spécifications pour qu'on suive la recette, que la recette soit bien documentée et qu'on puisse la suivre rigoureusement. Donc, tout ça doit être en place pour toutes ces pièces avant la certification. Quand, en général, les compagnies aéronautiques ont l'habitude de faire ces procédures. Maintenant, il y a toujours un peu des imprévus quand on fabrique. Il y a des défauts. On essaie d'anticiper tous les défauts qui vont pouvoir arriver. Il faut s'ajuster quand il y en a des nouveaux qui apparaissent ou qui n'avaient pas été anticipés. Ça arrive et alors à ce moment-là, il faut tester, analyser pour chaque cas. Ça fait partie du processus. C'est normal. Plus pour les composites que pour les métaux, tu dirais? Oh, je dirais qu'il y en a aussi du côté de métal, mais disons que les composites, comme c'est un peu plus nouveau, il y a peut-être encore des choses qu'on connaît pas très bien. Et pour quelqu'un qui n'est pas très familier avec les avions de Bombardier, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du pourcentage, par exemple, de composites qu'il y a eu dans les derniers avions de Bombardier, ou même de pièces intéressantes, de projets vraiment intéressants ou novateurs qui ont été mis en place dans ces avions en composite? Ben c'est sûr que le C-Series, ça a été une très grosse étape parce que presque 50% du poids de la structure est en composite, dont l'aile qui a été fait avec un procédé de Resin Transfer Infusion, donc qui est un procédé par infusion de la résine dans les fibres, ce qui était une première pour une pièce primaire en aéronautique. Donc ça, c'était vraiment très nouveau. Le aft fuse était fait par AFP, Automated Fiber Placement, qui est quand même assez standard dans l'industrie, mais c'était assez nouveau à Bombardier. Ensuite, il y a encore plusieurs autres pièces, les ailerons, les winglets, l'empennage. Donc on pourrait en parler longtemps. Et plusieurs de ces technologies ont été reprises sur le Global 7500. Par exemple, le procédé de Resin Transfer Infusion de l'aile a été utilisé sur le H-Tab du Global 7500. Si on parle un peu procédé, il me semble que le procédé traditionnel pour les composites en aérospatial, le plus courant, le préféré, ça serait les pre-peg, les pré-imprégnés. Oui. Parce qu'ils permettent un haut volume de fibres et aussi plus de contrôle au niveau du dérapage. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, puis c'est un procédé qui est quand même utilisé depuis longtemps, donc qu'on connaît bien et qu'on maîtrise bien. Et avec l'autoclave, la cuisson en autoclave avec la pression permet de bien compacter les plis et d'obtenir une bonne qualité, des faibles taux de porosité. Donc c'est un procédé très souvent utilisé. Et alors, quand tu nous as parlé de l'aile du C-Series, là, vous avez utilisé du liquid transfer molding. Donc, en fait, c'est de l'infusion de la résine qui est quasiment liquide à travers les fibres qui sont déposées. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez déposé toutes les fibres de l'aile, puis ensuite, vous avez mis l'aile dans un moule et vous avez injecté la résine liquide. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un moule où il y a un moule solide d'un côté, puis un moule semi-rigide de l'autre côté. Mais c'est ça, on injecte la résine. L'intérêt de ce procédé dans ce cas-là, c'est que l'aile est très épaisse. Hein. La racine de l'aile peut faire un demi-pouce d'épais facilement. Donc, si on doit mettre les plis dans le moule avec des pre-preg pli par pli, ça prend beaucoup de temps. Tandis qu'avec ce procédé-là, ça permet de gagner du temps. Donc, c'est une application utile de ce procédé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque pièce a des caractéristiques qui font qu'un procédé va être plus souhaitable qu'un autre. Que c'est pas en général tel procédé est meilleur que tel autre, mais c'est pour une application précise. Donc, dans le cas de l'aile du C-Series, c'était avantageux d'utiliser ce procédé. Maintenant, avec des procédés par infusion, historiquement, on avait souvent plus de défauts, plus de porosité dans les pièces. Donc, ça a demandé beaucoup beaucoup d'efforts de développement pour arriver à une qualité qui était vraiment très impressionnante dans le contrôle des épaisseurs, dans le contrôle de la porosité pour une aile d'avion. Pour dire que les composites, en fait, ça, on a l'impression que c'est des matériaux qui sont là depuis longtemps, mais en fait, c'est pas du tout le cas, c'est des matériaux qui sont très récents. Les procédés sont en plein développement, en plein essor, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Et un de ces procédés, c'est le AFP dont tu as parlé, le Automated Fiber Placement, le placement automatisé de fibres. Donc ça, il me semble que c'est un procédé qui est très récent et à ma connaissance, qui n'est utilisé que dans l'aérospatial, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est quand même un investissement pour avoir les robots qui déposent les fibres. Donc, il faut qu'il y ait une rentabilité. Quand on choisit un procédé, on fait aussi une étude de coût selon le nombre d'avions qu'on va produire et le nombre de pièces. C'est ça qui dicte un petit peu le choix du procédé. D'autres procédés intéressants? Je sais que ce qui s'en vient beaucoup, c'est le additive manufacturing, mais on n'a pas encore vu de pièces d'additive manufacturing en polymère sur les avions. C'est plutôt encore à l'état de recherche. Il y a aussi beaucoup de discussions ces dernières années sur les thermoplastiques. Oui. Pourquoi les thermoplastiques? Ils ont des avantages pour la résistance à l'impact, par exemple. Ils s'endommagent moins que les thermodurcissables. Ils peuvent aussi être réparés plus facilement, vu qu'on peut réchauffer la résine et la reformer. Donc, il y a certains avantages, mais ils ont des désavantages du côté du coût. C'est ça. C'est tout un équilibre à trouver. Tant qu'on parle des thermoplastiques, il y a un aspect dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est qu'en fait, les thermoplastiques, eux, seraient recyclables aussi potentiellement, étant donné qu'on peut les faire refondre. Oui, ils peuvent être recyclables. Maintenant, il y a aussi des recherches du côté du recyclage des thermodurcissables qui existent. Donc, je suis pas encore au courant de lequel est le plus efficace, mais oui. Est-ce qu'au niveau de Bombardier, il y a des discussions, ou en tout cas, il y a un suivi, ou il y a quelque chose qui se fait par rapport à la fin de vie des avions, de ce qui arrive aux pièces en composite? Parce que là, on parle de 50% en masse, c'est beaucoup. Des pièces métalliques, on peut les refondre, souvent, on peut faire des choses avec. Mais qu'est-ce qui arriverait à toutes ces pièces composites? 50% des avions, qu'est-ce qui va leur arriver par la suite? Oui, ça, je suis pas directement impliquée. Il y a un groupe à Bombardier qui s'appelle le groupe d'éco-design qui regarde cet aspect-là. C'est sûr qu'aussi, on regarde dans nos usines, quand on fabrique le composite, on a beaucoup de restes. Quand on coupe les plis, il y a beaucoup de rejets. Maintenant, il faut s'associer avec d'autres entreprises pouvoir recycler ces pièces, parce que si on essaie de le faire juste au niveau de Bombardier, c'est peut-être pas très rentable. Donc il y a beaucoup de recherches qui se fait en ce moment dans le domaine de l'aéronautique pour voir quels sont les business cases viables pour recycler, soit pendant la production ou soit après la fin de la vie de l'avion, les pièces de composite. C'est un domaine en plein essor. Et puis on a évoqué un petit peu la modélisation, donc tu nous as dit que tu en as fait auparavant, avant de commencer chez Bombardier. Est-ce que c'est quelque chose aussi à laquelle tu as touché chez Bombardier un petit peu? Pour être honnête, les méthodes en aéronautique sont souvent semi-empiriques. Mm-hmm. Semi-empirique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un modèle qui nous prédise la rupture de la pièce à partir de propriétés vraiment au niveau fibre ou résine, on se base beaucoup sur les tests de coupons et on fait des interpolations entre ces résultats-là pour prédire la rupture. Parce qu'on doit, par exemple, tenir compte justement de ce qu'on a parlé plus tôt, des dommages qui sont présents dans les composites et d'avoir un modèle pur qui seul pourrait nous tenir compte de l'endommagement des composites et de sa capacité résiduelle, sa résistance résiduelle. On n'en est pas encore là. Donc, on utilise beaucoup des méthodes semi-empiriques où on a de la simulation pour obtenir plutôt le chargement et la distribution des charges dans les pièces. Mais après, pour obtenir les marges de sécurité, on a plutôt des analyses semi-empiriques. Donc, c'est plus ce qui se fait couramment en ce moment dans l'industrie. Et donc, juste pour simplifier un peu, enfin, ou plutôt rajouter quelques petites choses à ce que tu viens de dire, quand tu dis simulation, donc vous faites la simulation pour déterminer quelles sont les charges appliquées sur une pièce, on parle bien de simulation en éléments finis, n'est-ce pas? Oui. Par contre, les éléments finis ne sont pas utilisés, et là, n'hésite pas à me corriger, pour modéliser l'intérieur des composites. Là, on va aller s'appuyer. C'est-à-dire que ça dépend des modes de rupture aussi. Mm-hmm. Il y a beaucoup de modes de rupture dans les composites, donc on a différentes méthodes d'analyse. Mais par exemple, si on a un trou d'attache, on ne va pas aller modéliser le trou lui-même. On va plutôt avoir des résultats de coupons avec des trous, des trous dedans, et prendre la charge appliquée sur le coupon et comparer celle qu'on a de notre résultat de modèle d'élément fini qui, lui, n'a pas de trou. Mmh. Donc, c'est comme ça qu'on procède pour ce mode de rupture-là. Pour une grande partie de l'avion, on utilise des méthodes semi-empiriques et puis pour des endroits localisés, on va aller utiliser des méthodes plus raffinées. Mmh. Pour ajouter à ce que tu viens de dire, l'avion non seulement connaît des tas de chargements mécaniques lorsqu'il vole, par exemple, mais il connaît aussi des chargements environnementaux. Par exemple, un avion sur le tarmac, ça va monter jusqu'à 60 degrés Celsius, puis quand ça vole, ça va descendre sous zéro de plusieurs dizaines de degrés Celsius. Pour la pression, la même chose, donc c'est vraiment une multitude de chargements combinés. Enfin, c'est vrai que si on devait tenir compte de chaque combinaison, ça serait impossible. Donc, on doit prendre des hypothèses, par exemple, considérer la température au sol, combinée avec des chargements en vol jusqu'à une certaine altitude où on sait que la température aura descendu due à la température de l'air. Donc, il faut des fois faire des hypothèses un peu conservatrices dans la combinaison des températures et des chargements mécaniques. Et c'est sûr que ça a une influence un peu sur le poids, mais c'est quelque chose qu'il faut trouver un équilibre. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, une influence sur le poids? Peux-tu détailler ça un peu plus? Oui, mais c'est parce que si on prend une hypothèse conservatrice, c'est sûr qu'on peut pas optimiser le matériau. Si on pouvait l'optimiser pour toutes les infinités de combinaisons, on pourrait peut-être réduire le poids. Là, on est obligé de se contraindre un petit peu, ce qui a des conséquences. Il faut toujours considérer le poids, le coût et la performance mécanique. Mais le premier critère en aéronautique, ça reste la sécurité des passagers, n'est-ce pas? C'est le premier. Ouais. Mm-hmm. Et alors, si on se dirige un petit peu maintenant vers l'avenir, qu'est-ce qui risque d'arriver dans les années qui viennent, à ton avis, dans l'industrie aérospatiale? Donc, on est dans une période particulière. Avec la pandémie actuelle, beaucoup d'avions sont cloués au sol. Et puis, il semblerait que pour le domaine aéronautique, il y a beaucoup de projets qui sont retardés. Il y a moins de choses qui se passent. Mais malgré tout, pour les composites dans l'aéronautique, qu'est-ce que tu vois venir? Tu as évoqué les thermoplastiques, un peu plus de AFP. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui arrive? On est un peu dans une période d'analyse de ce qui a été fait justement sur le Boeing 787, l'Airbus 350, le C-Series. Tous des avions avec beaucoup de composites. Deux gens sont en train d'essayer de comprendre ce qui a été fait de façon la plus efficace, de façon moins efficace, pour qu'on puisse dans l'avenir tirer bénéfice de ces leçons qu'on a apprises. Donc, on est un peu dans une phase de transition. Il y a aussi beaucoup d'émergence de côté, mettons, avions supersoniques ou avions à décollage vertical, drones. Donc, il y a aussi en même temps dans d'autres compagnies beaucoup d'effervescence qui requiert les matériaux composés. Donc, oui, on est un peu dans... c'est un peu difficile de prédire ce qui va résulter dans quelques années, mais ça sera une autre évolution, c'est sûr. L'emphase en ce moment, c'est sur la réduction des coûts. Vraiment, partout, on voit que, étant donné la situation économique, que des fois, les pièces en composite ont excédé les coûts qui avaient été prévus, ce qui était un peu normal, parce que c'était la première fois qu'on les utilisait. Donc, c'est pas très surprenant. Mais maintenant, pour la prochaine itération, il faut essayer de trouver des façons de réduire les coûts. Donc, ça va être le gros défi des prochaines années. Parfait. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous parler du mode de rupture des composites qui te fait le plus peur? En tant qu'ingénieur aéronautique. Je les considère tous avec la même... le même respect. Avec le même respect. C'est sûr qu'on dit toujours que le mode interlaminaire est inquiétant parce que c'est... Peux-tu le détailler? C'est quoi exactement? Donc, c'est ça. C'est comme... J'ai parlé un peu plus tôt des délaminations. Donc, c'est entre les plis. C'est une propriété qui est plus faible dans cette direction. Et on doit s'efforcer de designer pour avoir moins de charges hors plan. si possible. Donc, si on fait un bon design, en principe, on devrait éviter ces modes de chargement et on devrait pouvoir avoir moins de risques de ce côté-là. Mais il faut quand même toujours considérer la compression après impact, qui est une des modes importants dans les composites. En compression, ils ont des propriétés moins grandes qu'en tension, et si on ajoute un impact, ça réduit beaucoup encore les propriétés. Et un avion en service est exposé à beaucoup d'impact. Maintenant que je fais beaucoup plus le suivi des avions en service, j'ai souvent des photos de tout ce qui peut arriver dans la vraie vie. Donc, il faut planifier en fonction de tout ce qui est possible d'arriver. De notre côté, on ne peut pas non plus faire un tank parce qu'il ne pourrait pas voler. Donc, c'est toujours de trouver un point où on est quand même sécuritaire et on prévoit quand même la majorité des threats. Je cherche le mot en français. Des menaces et des risques qui peuvent arriver. Donc, mais on pourrait en parler encore plus de toutes les possibilités. Mais voilà, c'est ça. Il faut quand même être très vigilant de couvrir la majorité des cas qui sont quand même probables. C'est parfait. Bah, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je pense que grâce à ça, les étudiants vont avoir une idée un peu plus clair de comment les composites sont utilisés dans l'aéronautique, ce qui est quand même important, je pense, parce que ça reste toujours le domaine qui pousse les composites le plus en avant aujourd'hui. Donc, est-ce que s'il y a des étudiants qui voudraient t'envoyer un petit message pour peut-être poser plus de questions, ils pourraient le faire sur LinkedIn? Oui, bien sûr, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup pour ton temps. D'accord, merci beaucoup.